Qui donc a pu vous dire ? Demanda-t-il. Valérie, parbleu, notre Valérie, qui veut être uniquement ma Valérie. Nous sommes manche à manche, baron. Nous jouerons la belle quand vous voudrez. Vous ne pouvez pas vous fâcher. Vous savez que le droit de prendre ma revanche a toujours été stipulé. Vous avez mis 3 mois à m'enlever Josepha. Moi, je vous ai pris Valérie en... Ne parlons pas de cela, reprit-il. Maintenant, je la veux tout à moi. Mais nous n'en resterons pas moins bons amis. Crevel, ne plaisante pas, répondit le baron d'une voix étouffée par la rage. C'est une affaire de vie ou de mort. Tiens, comme vous prenez cela. Baron, ne vous rappelez-vous plus ce que vous m'avez dit le jour du mariage d'Hortense? Est-ce que deux roquetins comme nous doivent se brouiller pour une jupe? C'est épicier, ces petites gens. Nous sommes, c'est convenu, Régence, Justaucorbleu, Pompadour, 18e siècle, tout ce qu'il y a de plus maréchal de Richelieu, Rocaille, et, j'ose le dire, liaison dangereuse.